Bismillahirrahmanirrahim. Le site de damouage.fr vous présente une série de cours de ta'bir, d'expression orale en langue arabe, tiré du livre de l'université de Riyad, niveau 1. Cours dispensé par Abu Taymiya Khalil al-Martiniki, wafaqahullah wa saddada. ونسأل الله أن ينفع بهذا العمل الإسلام والمسلمين. Dixième leçon. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فتنبيه qu'on s'excuse par rapport au درس السابع il n'y a plus de pile. Donc on répète enregistré. Donc, نقفز مباشرة إلى الدرس الثامن الثامن من الوحدة الثالثة la troisième unité وبعنوان رحلة بالقطار طيب qui est le voyage en train رحلة on avait dit que ça voulait dire voyage des fois ça peut dire un vol des fois ça peut être une virée وقطار c'est train بالقطار طيب بالقطار c'est en train par le train الكلمات الجديدة On a fait une mouragère de tout. Tu te rappelles? On a fait une mouragère de tout. Attends, là, il y a un mot, je ne le connais pas. Je regarde encore un mot. Un mot, je ne me rappelle pas de lui. Il est où? Hawayad. طيب هم يوصي هوايات وعليكم السلام c'est comme c'était une occupation ou un hobby نعم un hobby une chose que tu aimes beaucoup faire vous voyez un hobby كتار c'est le train on l'a dit shahada yushahidu ala fi'al qui veut dire témoigner mais là il veut dire contempler, regarder il y a d'autres sens il y a d'autres sens encore mais là ce qui est voulu c'est contempler, regarder comme le prouve le mot qui vient après qui est al-manazir al-manazir c'est le paysage c'est un jam, c'est un pluriel le mufrad c'est mandar taïb mandar wa al manazir c'est le pluriel mahatta c'est une station ou la gare un peu comme mouqif taïb un peu comme mouqif Otlatoun, c'est les vacances. Congé. Congé. Mania, c'est un isme fa'il. De mana'a yamna'u qui veut dire interdire, empêcher. Et la mania, c'est un empêchement. Donc on disait. Il y a fakot d'abord, j'ai oublié. Fakot qui veut dire c'est tout. Fakot, qui veut dire c'est tout. Et lakin veut dire cependant, mais néanmoins, ainsi de suite. Dans l'indice ouel, هنا كثيرا من إخوة قالوا يقول بس يعني بس بس معنى فقط مش خطأ في الفصحى نعم dans ce sens-là, un mal en baisse, ça peut être un mal ou une chose, un problème. Mais là, comment il emploie eux, c'est, je ne crois pas que ce soit du fasra. De toute façon, là, le derf, il est court. Alhamdulillah, on va pouvoir le prendre en entier. Donc, dans les tarakib, le nahwiya ou le sarfiya, on va les prendre en derf. Et les ibarat, hayyak Allah, c'est que. Allah te salue. Là, là, c'est pas le sens de haya de la vie. C'est le sens de tahiya, le fait de saluer. Non. Le shahid, on l'entend pas souvent. Hein? Shahada, on l'entend pas souvent pour dire regarder. J'ai pas entendu ici souvent. Tu veux l'entendre? Shahada, yushahidou, c'est contempler, regarder. Et même assister à une chose aussi. Par exemple, tu veux dire pour qu'il montre sa maison, qu'il montre sa voiture. Là, c'est plutôt contempler. C'est pas genre regarder comme ça, simplement. De toute façon, il y a plein de mots que tu vas pas forcément entendre, ils sont employés. نعم لا مانع طيب pas d'empêchement pas d'interdiction et pas de problème ouais jamais لماذا يفتح هذا c'est une question qui se rapporte au nahou طيب انا الحوار بين مالك وطارق toujours أنت مالك طيب وأنت طارق من فبس يبقى السلام عليكم أهلا يا طارق أهلا يا مالك مالك أهلا يا مالك حياك الله أراك تقرأ كتابا هل هوايتك القراءة Je te vois en train de lire un livre. Est-ce que ton hobby est la lecture? نعم أنا أحب القراءة وأنت ما هوايتك؟ نعم جميل يا lecture et toi quel est ton hobby؟ أنا أحب السفر. J'aime le voyage. هل تفضل السفر تفضل السفر؟ السفر. هل تفضل السفر بالطائرات أو بالقطار؟ Est-ce que tu préfères le voyage par avion ou par train؟ أفضل القطار لأنني أشاهد المناظر الجميلة. نعم. Il dit je préfère le train car je peux contempler les beaux paysages. هذا جميل ولكن ما إجراءات السفر بالقطار؟ Il dit, ah, c'est une bonne chose, c'est beau, un âme. Cependant, quelles sont les formalités du voyage en train ? Il a dit, il faut juste que tu ailles à la station, à la gare, et que tu achètes un ticket. ما رأيك في رحلتي بالقطار من الرياض إلى الدمام؟ Donc il dit c'est très facile. Donc quel est ton que penses-tu? Là c'est Rayouk, c'est quel est ton avis? Mais là on va le traduire par que penses-tu? Bien que ce soit pas le même mot. D'un voyage en train de Riyad à Dammam. Et ça c'est purement d'ailleurs al-awqat. C'est purement une perte de temps ce qu'ils vont faire. Et là on voit que Tariq est meilleur que Malik. Tariq, il a un beau hobby. Il aime lire. Inch'Allah, on espère le khayr de lui. S'il lit des bons koutoub. Et bien l'autre, Maloud, bah, c'est un voyageur. C'est bon, ou... Je sais pas, je connais pas le. Mm. Tu vois, mais bon, tu n'as rien à faire, tu vas prendre le train, on va faire Paris-Brest, par exemple, comme ça, juste pour regarder le paysage. Ah, c'est pas. Voilà, quoi. C'est pas une bonne tarbiya, quoi. Et d'ailleurs, le haoukat, tu vois, c'est une chose qui est vraiment pas loin en islam. Il faut. La chose qui est la plus chère pour le musulman, c'est le temps. Tu vois, c'est le temps. Car c'est là que les bonnes actions se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'a pas le temps de faire de le perdre dans des choses comme ça là, pendant un voyage en train sans qu'il n'y a pas d'intérêt derrière. Tu me dis je vais là-bas pour une chose, non, juste pour regarder le paysage. Tu vois, c'est pas. C'est vraiment pas une bonne chose. Voilà. Après, l'humain clairement, ça ne servait à quoi d'avoir vu le paysage. Il y en a qui vont dire ouais, j'ai réfléchi sur la création d'Allah, les choses comme ça, comme ça. Je dis non. Prends un magazine. À la rigueur, tu vois. Prends un magazine, regarde les photos, hein, c'est terminé. Moi, tu prends le train, tu payes de l'argent, donc tu vois, de gaspillage. En plus, le train, je sais pas dans quel état il doit être chez eux. Je sais pas dans quel état il doit être à cette heure. Tu vas pas être exigeant forcément de bien. Rien du tout. Donc, les voyages pour la Darwa, c'est bien. Les voyages pour aller visiter les parents, c'est bien. Pour la Umrah, le Hajj. Voyez, ou le commerce, si t'as besoin d'en faire un, hein. Mais voyage comme ça, si t'as pas d'utilité, c'est une perte de temps. La mania, nadhabu fil utlatin usbu'iyya. Non, il dit pas de mal, pas d'empêchement, nous irons dans des vacances hebdomadaires, les congés hebdomadaires. Usbu'iyya, c'est par semaine, quoi, mais nous, c'est hebdomadaire, ça se dit en français. Comme je dis, plus on avance, c'est plus ça me refroidit à faire les autres livres de cette série. Ah ouais. Bah, tu vois les textes, franchement. J'ai déjà fait le 3. J'ai déjà fait le enseigner le 3 à des frères. Abdel et Abdel Aoud. Hein? Le 3? Ouais, non. Yanni. Ça se voit mal. Je sais pas comment t'expliquer, je me rappelle plus trop, c'était il y a 2 ans quand même, non. Quand je l'avais fait au frère. Mais j'étais moins choqué que maintenant avec ce livre-là. J'étais moins choqué, parce que là, je me rappelle même plus si dans le 3 c'est un tas de BLM qui parle ou c'est juste des gens comme ça. En tout cas, Inch'Allah, comme on l'a dit, c'est pour prendre des bases en guise de tremplin. Après, vous pouvez vous lire dans d'autres livres et Inch'Allah, il n'y aura plus besoin de ces kutub-là. Ou comme je le dis souvent au frère, un Koran Mustawa, le bon niveau, il écrira lui-même, il dit Tarbiya avec des bons textes, des bons exemples, avec des mawa'iz, des sermons, avec des nasa'ih, des bons conseils, des tawjihat, des actives, et ainsi de suite. Et bien ça là, Allah Mustawa. Bon. Awalan, yaqul, hawwil al-jumlat al-atiya kama fil namouzaj. On transforme la phrase suivante, ou à la phrase suivante, comme dans l'exemple. يقول شاهد الولد المناظر. Après ils disent quoi? شاهدت البنت المناظر. Donc tu passes d'un quoi? D'un sujet. Voyez? Masculin, singulier, pour aller à un féminin singulier. Donc on dit quoi à la fin d'un verbe? ما تأنيس ساكنة. Voyez? Et la kafrara, elle est là pourquoi? L'iltika sakinein. Pour empêcher que deux lettres sakines se rencontrent. C'est tout. Mais là-bas, c'est shahadat. Avec une soukoun. Voyez. Arsala al-waladu al-rasa'il. Mathalan. Arsalat al-walidat. La. Al-bint. Naam. Arsalat al-bintu al-risa'il. Rasa'il. Rasa'il. Naam. Donc la fille a envoyé les lettres. Thanian, andak. ثاني أيوة تقرأ الكل الجمل أصلية ثم المحولة لعب الولد ولد الكرة لعبت البنت الكرة نعم donc le garçon joue au ballon, la fille joue au ballon. Si vous avez mis كرة c'est ballon. Si vous avez dit حفظ الولد القرآن ça aurait été mieux encore. L'arrivée au Coran, c'est pas interdit. C'est bien pour l'enfant qui joue au ballon. Il ne faut pas oublier le livre pour que tu l'as fait. Tu vois, il faut te la mettre. Donc, il ne faut pas leur mettre des trucs comme ça, tu vois. Il faut les inciter au khayr. Dès que c'est pas interdit qu'à l'enfant joue au ballon, c'est même des fois un bien si tu vois que c'est à l'enfant, l'enfant il a besoin de jouer, de distraire. Mais là, le but c'est quoi? C'est pas de distraire l'enfant, là. Là, c'est de former un talib ilm. Donc, c'est bon, de, genre d'exemple, si vous pouvez s'en passer, ce serait mieux. Hafiz al-walad al-dars. Naam. Hafiz al-bint al-dars. Naam. L'enfant a mémorisé le cours, la fille a mémorisé le cours. Rakib al-walad al-darrajata. Rakib al-bint al-darrajata. Ah, Aïd. Rakib al-bint al-darrajata. L'enfant est monté sur le vélo, la fille est montée sur le vélo. Tabakhar walad al-ta'am. Tabakhat al-bintu ta'am. L'enfant a cuisiné la nourriture et la fille a cuisiné la nourriture. Tabakhat, c'est que j'ai cuisiné. Tasallam al-walad al-takir. Tassalamti. Là. Ça veut juste un tas, c'est tout. Tassalamati. Tassalamat. Non, Tassalamati. Tassalamati le bintou. Non. Le garçon a reçu le billet et la fille a reçu le billet. Hein? Pourquoi on n'a pas mis une soukoune là sur le mime, comme les autres? Par exemple, Hafid. Il n'y a pas de soukoun. Ah non, je m'en fous. Ça bien. Non, l'enfant, le garçon a réservé la place, la fille a réservé la place. Ça a minan. منازل شهادتي بنت المنازل منازل طيب طيب الطاعة الولد الأب. L'enfant obéit au père. Qu'est-ce que tu as appelé le bint? Ata'ati. Ata'ati le bintu. Le walid. Le ab. Le walid, c'est ab. Taïeb. Sa'ada. Sa'ada. Le waladou. Le Sa'ada, c'est aider. Taïeb, l'enfant a aidé la mère. Sa'adati. Sa'adati le bintu. الأم. الأم. نعم. نصح الأب الولد. Le père a conseillé l'enfant. Maintenant, je veux que tu mettes le féminin de أب. نصحت الأم الولد. نعم. رب. رب الأب الولد. Le père a éduqué l'enfant. Rabba yurabbi, c'est éduquer. Rabbati. Rabbati. Rabbati bintu. La. Rabba al-walad. La. On kouna rabba al-ab. Al-an ou l'un. Ah. Féminin du ab, c'est qui? Rabba al-um. Rabbat. Rabbati al-um. Al-walad. Naam. Mafalan. Ça, c'est un surplus, bien sûr, que tu n'es pas dans le livre. Ça aurait été bien qu'il y ait ce genre d'exemple dans le livre. Taïeb, Thanian, Hawil, Kemafil Namouzaj. Taïeb, transforme comment l'exemple. Rabba, avec un alif maksour, en forme de ya. Namouzaj. Ushahidu al-manazir. Taïeb, Shahadu al-manazir. Donc là maintenant, il met le mudari et le mardi avec ana. Qu'est-ce que tu as dit? Ma damir, ana. Donc, ushahidu, c'est je regarde ou je contemple les paysages. Et shahad tout, elle m'en a dit, c'est j'ai contemplé. Ou j'ai regardé le paysage. Et bien sûr, c'est un verbe quoi? Ou shahidou, il commence par un damma. C'est un quoi comme verbe, Daoud? Ahsant, un rubaï, quatre lettres. طيب الجملة الأولى عندك أرسلوا رسائل أرسلت رسائل أرسلت j'ai pas entendu أرسلت رسائل allez moi j'envoie les lettres j'ai envoyé les lettres ثانيا ألعب الكرة ألعب الكرة أنا تمل الماضي avec ضمير متصل نعم لعبت الكرة نعم ولكن جي جو بالون نعم العبو سي جوي نعم نعم العبو سي جو ثالثا احفظ الدرس حفظت الدرس نعم جي ميموريزي لو كور او جي ميموريزي لو كور جي ميموريزي لو كور سا سي لو ميور اكزومبل كي رونت توت لا سيري دي فراز لا Masha'Allah. Sur 8 phrases, c'est la meilleure. C'est permis le reste, hein. Attention, je ne dis pas que c'est haram ou quoi. Mais, Hissoul Stirbeb, ce qui est préférable, c'est lui le meilleur exemple. Et encore, j'espère que c'est un cours, c'est pas un cours de, je sais pas, mon Hamdassa, d'architecture ou. Là, ça devient haram, là. Non. Faddal, le Rabia. Là, celui qui est en face. Arkabut Daraja. Daraja. Daraja. Arkabut Daraja. Rakibtu. Rakibtu Daraja. Non, je suis monté sur le vélo ou la moto. Parce que des fois, on ne met pas forcément tout en Nariya. Des fois, on met Daraja comme ça, tu vois, pour, en abréviation. Et ça veut dire aussi une moto. Mais à la base, Daraja, tout ça, ce sera un vélo. Khamisan. Non, je cuisine la nourriture, j'ai cuisiné la nourriture. Sadisan. Je reçois les billets, j'ai reçu les billets. Non, je réserve la place, j'ai réservé la place. Faminan. C'est pas Nazara. Regarde bien les lettres. Il y a tel. Il y a cool. Antaziru al-outla. Là. C'est vrai qu'ils n'ont pas mis verbe. خلي الوصف حلو كم تكون يبغى يرتت نعم انتظرتو عايز انتظر سوي اعتند شو انا بسيت النومام اللي بقى من المنطقه شو كنا بسيت النومام ده مذاكو انتظر ينتظر سي اعتند العطله سي لي فاكونس طيب ثالثا يقول اكمل كما في النموذج كومبليت كوم دون ليكزامبل يقول هل تفضل كذا او كذا طيب دونك لا entre les deux trous faut mettre en dessous il propose الطائره et القطار donc tu veux dire quoi هل تفضل الطائره او القطار Donc là, on a les deux phrases. Ça, on va le laisser pour l'Yumisept. Inch'Allah. Samedi. Juste, on vérifie qu'on sait bien tous les mots, qu'il n'y a pas un mot nouveau qui soit infiltré. Ad-Darraja, Al-Sayyara. Ma'alouf. Al-Hafila, Sayyara Tul-Ujra. Ma'alouf. Al-Dirasa, Al-Amel. الدراجة الأولى الدراجة السياحية. هذه هي الدراجة الأولى. الدراجة السياحية. هذه هي الدراجة الأولى. الدراجة السياحية. هذه هي الدراجة الأولى. الدراجة السياحية. هذه هي الدراجة الأولى. الدراجة السياحية. هذه هي الدراجة الأولى. الدراجة السياحية. هذه هي الدراجة الأولى. الدراجة السياحية. هذه هي الدراجة الأولى. الدراجة السياحية. هذه هي الدراجة الأولى. الدراجة السياحية. هذه هي الدراجة الأولى. الدراجة السياحية. هذه هي الدراجة الأولى. الدراجة السياحية. هذه هي الدراجة الأولى. الدراجة السياحية. هذه هي الدراجة الأولى. الدراجة السياحية. هذه هي الدراجة الأولى. الدراجة السياحية. هذه هي الدراجة الأولى. الدراجة السياحية. هذه هي الدراجة الأولى. الدراجة السياحية. هذه هي الدراج As-safar, al-awda. Là, on traduirait par l'aller et le retour. Vous voyez, bien que ça retenu, ça veut dire al-zahab ou al-awda. Mais là, je pense qu'il va dire quoi, l'aller et le retour. Al-kitab, al-sahifa, le livre, le journal. Al-akl, al-naoum, nourriture et le sommeil. Al-ta'ira, al-qitar, l'avion et le train. On va rajouter. On va rajouter. Al-fiqh, al-nahu. Comment ça s'écrit? Fa, qaf, ha. Fiqh. Fa, qaf, ha. Al-nahu, nun, ha, waw. طيب الآن كملنا الجزء الأول وقمنا بارتي قراءة اقرأ جيب لا بارتي اقرأ donc il y a deux nouveaux mots مدينة qui veut dire ville ومبكرا qui veut dire tôt مبكرا qui veut dire tôt. C'est à qui de lire là cette fois ? Tfaddal. Faddala Malikun Safara Lilqitari ila Madinati Damam. Vas-y. Hein ? Est-ce traduire si tu peux ? Malik préfère ou a préféré ? A préféré ou préfère ? Là c'est un mardi. Donc là tu non. Malik a préféré voyager en train avec le train jusqu'à la ville de Damam. Nam. Fakmala idra'ati safari thumma ashtara thumma ashtara tadhkiratan wa hajaza makanan fil qitar. Ça c'est on dirait pas alors. Hein? Fa, là, on traduirait par alors. Quoi? Fa, akmala. Le fa, là, on traduirait par alors. Alors il, alors, il achève ses formalités de voyage, les formalités de voyage. C'est un mardi. Akmala. Il acheva. On le compléta. C'est un mardi. Ah ouais? Ah oui? Ah non, mais oui. Il a achevé ses formalités, les formalités de voyage. Puis il a acheté des billets. Un billet de réservation. Là, un billet et. Et. Réserva. Un billet et il a réservé. Il a réservé un lieu de. Une place. Une place dans le train. Non. ذهب مالك إلى المحطة مبكرا قبل معادرة القطار. نعم. مالك parti vers المحطة. La station. À la gare. À la gare. Non. Est parti vers la gare de. Ah, là tu dis pas. À la gare tôt. نعم. Il est parti tôt à la gare en fait, c'est ça ? Non. Il est parti tôt à la gare avant Muradara, avant le départ du train. Non, c'est ça. وهناك قبل صديقته طريقا قريب القطار ومن ها عيد صديقه طريقا طريقا ثم ensuite طريقا فركب القطار. Et là-bas, il a rencontré son ami Tariq. Tariq. Ils montèrent dans le train. Ils sont montés dans le train. Non, bah le Alif, il n'y a rien de personne. Ah, ouais. C'est Alif Alistin qui revient à Malik et à Tariq. Ça, c'est une règle de Nahou, ça ? C'est dans le sol, ça. Dans le sol, ça. Donc, ils sont montés dans le train. ومن القطار شاهد المناظر جميلة مناظر الجميلة جميلة جميلة جميلة. Et dans le train, c'est ça, ouais, train, bien, ils ont contemplé le paysage, le beau paysage. Les beaux paysages. Les beaux paysages. Non. طيب مفهوم هذا؟ أولا أقول الأسئلة ستكون لي يوم السبت كذلك. هذه الكيستيون لا tout ce qu'il y a à faire ça sera pour samedi إن شاء الله. أولا أجيب عن الأسئلة الآتية. réponds question suivante. إلى أين سافر مالك؟ طيب où est parti en voyage مالك؟ ثانيا بأي وسيلة سافر؟ Par quel moyen a-t-il voyagé? Bi ayyatin, c'est la phrase bi ayya, c'est la même chose. Bi ayy, c'est-à-dire par quel. Ayya, on a dit c'est-à-dire quel. Avec le thème le bouton, là c'est pareil, pas de différence. C'est pourquoi c'est pour le pays non, en fait? Pas forcément. Pas forcément. Parce que le ayy ne se conjugue pas avec les. Ayya, ayy, seyyar, on va dire ayya, seyyar. Ayya, tu peux le dire? Aïe tout seigneur. Je peux le dire aussi. Non. C'est pas obligé que tu le fasses suivre en genre avec ce qui vient derrière. Thalithan, ma hiya ijra'atu safar. Quelles sont les formalités de voyage? Rabi'an, ma'adha shahada malikun wa talikun min al-qitar. Qu'est-ce qu'on peut contempler malik et talik depuis le train ou dans le train? ثانيا أجيب عن أسئلة آتية. يكون كسر في بعض. هل سافرت بالقطار؟ أتوجه أجي أنتها. ثانيا إلى أين؟ vers où؟ ثالثا. ثالثا لماذا فضلت السفر بالقطار؟ pourquoi tu préférais le voyage en train؟ si tu le préférais. Ouais, c'est ça. Parce que souvent les gens préfèrent l'avion. Quand tu n'as pas peur de l'avion, vous voyez, les gens préfèrent l'avion en général. Du moins, avant, maintenant, à Auville. Parce qu'à l'avion avant, il y avait une belle façade, mon frère. Les hôtesses de l'air, les films, la musique. Hein, ils donnent du pot, ils donnent de l'alcool. Maintenant, dans les lignes aériennes, certaines lignes aériennes de l'islam, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de porc. Il y a toujours des femmes. Et là, les femmes, ils ne vont pas lâcher. Tu vois? Il y a la télévision aussi, là. Égyptaire, c'est machallah. Égyptaire, ce que j'ai pris égyptaire, je ne me rappelle pas. Égyptaire, il y a de l'alcool, non? En Saoudie, dans les lignes saoudiennes. Les meilleures lignes, c'est les saoudiennes et les yéménites. Et il y a des femmes. Et il y a des filles. Et c'est les meilleures. C'est celles qui sont les moins graves, on va dire, alors qu'il est. C'est les saoudiennes et les yéménites. Il y a des femmes, il y a la télé, il y a la musique aussi. Non, mais tu la poses pas, tu peux la choisir. Ouais. Heureusement, tu la poses pas. Bientôt, ils vont pas te poser. C'est. Alhamdulillah, il y a Moussa pour salat. Ah bon? Ouais. Dans l'avion? Ah, ils ont une petite place pour faire salat. Égyptaire, je sais pas si. Non, pas Égyptaire, je parle des lignes limites et saoudiennes. Tu vois, Moussa là. Ah, les autres, je sais pas. De toute façon, si t'es en voyage après, c'est fini. Je sais pas si t'as besoin de ça. De quoi? Bah, parmi les chouroutes de la salade, tu sois en prière, tu sois debout. Ouais, non. Donc, normalement, si tu peux mettre debout, faut que tu mettes debout. Même en voyage. À conseil en salade, ça peut être que tu fais la salade assis. Ah, voilà. Tu peux la faire assis, t'as pas le choix. Mais si tu peux être debout, t'es obligé de la faire debout. Ah, merde. Donc, eux, c'est des minéraires, des musulmans. Donc, quand même, ils vont pas faire une place pour avoir là. Ils ont des grands écrans, je sais pas combien, il y a pas un seul là. Ah, ça va pas, là. Ouais, alhamdoulilah, ils l'ont fait un minimum, au moins il y a ça, tu vois. Il y a une petite place. Moi, j'ai pas pris, les frères m'ont raconté. Hein. Moi, j'ai pris l'Yéménite, mais quand je les ai pris, alhamdoulilah, c'était pas là dans la salade. J'ai pas besoin de la faire, mais les Saoudiennes, les frères qu'ils ont pris, m'ont dit, hein, il y a un lieu pour faire salade. Mais c'est obligé, c'est petit. Donc, obligé de faire des groupes différents. Ça, les femmes. Rabia, Nafouen, Kem Zafarta, Imat El Tafkira. Combien tu payais le prix du billet? خامسا أين وضعت حقيبة ملابسك؟ Où as-tu posé les valises de tes vêtements? qui contiennent tes vêtements, voilà. Thalitha, la fin chiale. Vous voyez, des fois il y a des mots que demain, tu ne connais peut-être pas, tu les cherches. Ou tu poses ta valise, tu cherches comment dire une saute ou comment dire un truc. Comme tu l'as dictionnaire, il y a des frères. Un petit ishtial, inshallah. Chercher des nouveaux mots qui ne sont pas dans le livre. Thalitha, min al-qitari, shahadta manazir jamilatan, mahiya. Donc depuis le train, tu as contemplé de beaux paysages. Qu'en sont-ils? Les Alpes, les Pyrénées. Quels sont-ils? La Seine, Inch'Allah, la Manche, la Méditerranée, la campagne, les champs de raisin, enfin, du Rhum. Non, faut pas mentir. Vous dire la vérité, même si on n'aime pas la France, Hakan Yukal, tu vois, faut être Monsif. En France, tu as des beaux paysages. Par exemple, quand je joue les un pied de couf, mais tu mettrais des musulmans, franchement, les paysages, ils sont beaux. On peut pas nier. Quand c'est vert, quand c'est large, on peut pas nier, tout le monde aime ça. Tu me dis Paris, les cités, ouais, c'est vraiment moche, mais tu as des paysages en France, pour dire, il y a des paysages, ils sont beaux. On peut pas nier. Tu vois. C'est juste que c'est les gens qui l'ont dédice. Avec leur couf, mais t'enlèves les gens, tu les suis les vaches en Normandie, c'est mignon. Tu vois, c'est pas moche. On peut dire, ah, c'est pas beau, c'est pas vrai. Il y a des paysages en pays d'Israël, ils sont pas beaux, Ça. Tu vois, il faut dire la vérité. Ça, c'est une raquette là. Le fait qu'il a fait, c'est pas dire que lui, il est pas beau lui-même. Ouais. Alors là, il a fait que quoi? La France, des fois, c'est même si il y a une fitna pour eux. Il s'agit que leur pays, il est beau, tout le monde vient visiter. Tu vois, par exemple, tout le monde dit Paris, c'est la plus belle ville du monde. Je suis allé, il faut arrêter au cinéma. Là, je suis pas d'accord, par contre. Paris, c'est gris, tu vois, c'est embrumé, c'est le brouillard. C'est que des voitures, ça, c'est que du bruit, c'est que du fond d'or, que du désordre, que du façade. Faut qu'ils admirent la plus belle ville du monde. Ça. Ah, mais sinon, t'as des endroits en France qui sont beaux. Américaine, mon frère, on dirait t'es au temps de. Comment dire? Deuxième guerre mondiale, après. Tu sais, tu vois des champs comme ça avec des tranchées et tout, c'est pas très beau, c'est pas très joli. Ça. Mais ça, après, les goûts les couleurs, tu vois. T'en as, ils vont dire j'aime pas, mais dire que c'est moche ou quoi, que c'est. Non. Parce que c'est la France, on peut pas dire ça non plus. Tu vois, faut être équitable. T'as dit, Kem, ça atteint sa farta. Combien d'heures as-tu voyagé? Combien d'heures as-tu voyagé? Dans ta vie? Non, on voyage, là, on s'y parle. Pour ça, on répond toutes les questions à la maison? Non. C'est pas ça, t'as des femmes? Enfin, les femmes, ils croient un nassa ou octobo, fi kurra satik. Donc, lis le texte et réécris-le dans ton cahier. Vas-y, on fait ça. Non. في سؤال ما عندكم دمام سي كوسي لا لا مش بقول لكم جميت انصور دمام دمام طيب فنقول لله هنا وكل شيء رب العالمين